Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie, le podcast consacré à la littérature érotique. Je vous avais dit que je reviendrais avec un rythme plus soutenu, chose promise, chose faite, bim bam boum. Au passage, je tiens à remercier vraiment un énorme merci à toutes celles et ceux qui me suivent et qui me soutiennent sur Patreon. Vraiment, merci beaucoup, ça me fait hyper plaisir et ça me motive pour chercher des nouveaux textes, vous offrir des petites surprises rien que pour vous et puis pour reprendre vraiment avec joie les lectures érotiques et vous faire découvrir de plus en plus de choses dans la littérature érotique. D'ailleurs, celles et ceux qui veulent me soutenir sur Patreon, qui ne le font pas encore, vous pouvez me soutenir à partir de 1 euro seulement. Donc, vous avez le lien sur mon site charlie-liveshow.com sur tous les articles qui présentent les lectures. Sinon, je peux vous le donner à la bouche, patreon.com/charlieliveshow. Voilà. Alors, cette semaine, dans les lectures érotiques de Charlie, voici un deuxième extrait du roman de Clarissa Rivière, Le village des soumises, qui est paru aux éditions Tabou. Je vous ai déjà lu un premier extrait de ce roman, très BDSM, mais un BDSM très sexuel. Oui, parce qu'il y a toutes sortes de BDSM. Bon, on en parle à la fin de la lecture. Là, j'ai décidé qu'on explore un peu plus avant la relation entre Chloé et Paul. La dernière fois, vous avez découvert le personnage de Chloé, le personnage de Paul, leur rencontre un petit peu coup de foudre. Eh bien, Chloé a dit oui, elle est d'accord pour être la soumise de Paul et pour qu'il soit son maître durant tout son séjour au village des soumises. Et ils ont décidé de se faire une petite sortie cinéma. Donc, Chloé s'est préparée, ils sont contents, ils vont aller en amoureux au cinéma. Sauf qu'on est au village des soumises, on n'est pas au Club Med. Allez, c'est parti, voici donc un nouvel extrait du village des soumises de Clarissa Rivière. Ouvrez grand vos oreilles. Quelques minutes plus tard, ils marchent joyeusement vers le cinéma main dans la main. Ils n'y sont encore jamais allés ni l'un ni l'autre depuis leur arrivée au village et ne sont pas au bout de leur surprise. Plusieurs films sont à l'affiche, tous pornographiques, sans exception. Il y en a pour tous les goûts. Des films vintage des années 80, des films chics, des films glauques, des films intimistes ou à grand spectacle, des films fétichistes, BDSM, soft ou hard. Chloé soupire avant de se joindre au fou rire de Paul. À quoi s'attendait-il? À des films de super-héros ou la dernière comédie franchouillarde? Paul lève les bras en signe d'impuissance. On y va quand même, on va s'amuser. Tu aimerais du pop-corn ? Chloé secoue la tête. Elle déteste cette habitude de manger du pop-corn pendant les films. Ça fait trop de bruit. Même si là, ça ne devrait pas être trop gênant, avec des dialogues probablement réduits au minimum. Il fait si chaud. Une glace plutôt, suggère Chloé. Bonne idée. Je me réjouis d'avance de voir ta petite langue délicate lécher les boules. Je te demande une chose en échange. Imagine que ce sont les miennes et lèche-les avec tout ton art. Chloé se croyait saturée de sexe sous toutes ses formes, mais se prend vite au jeu. Elle s'applique à lécher sa glace avec sensualité et laisse ses pensées vagabonder selon les instructions de Paul. La petite tension ressentie au creux de ses jambes en évoquant cette queue bien-aimée la surprend. Sa queue si longue, dure dans sa bouche, chaude à côté de ses boules glacées. Des boules parfumées chimiquement quand celles de Paul sentent si bon. Décidément, cette glace appelle d'autres boules plus fermes avec un autre cornet bien raide et odorant. Chloé sourit des idées qui lui passent par la tête. Elle ne verra plus jamais un cornet de glace de la même manière, c'est sûr. Elle lèche avec application, sous le regard attentif de Paul tout en fixant l'écran. Ils ont choisi un film luxe et le décor rococo et kitsch ravive leur fou rire. Mobilier doré, faux champagne et vrai bimbo qui ne tarde pas à se faire défoncer à gogo par tous les trous. Chloé regarde les images sans les voir, ses pensées tournées vers son maître. Elle se remémore les moments passés dans le salon de thé, un peu plus tôt dans la journée. Il lui semble que cela fait une éternité déjà. Soudain, elle sursaute en voyant un couple s'enlacer sur la scène devant l'écran. Petite silhouette noire se détachant sur un gros plan de fellation. La femme se tient à genoux et imite l'actrice de son mieux. Ils sont bientôt rejoints par un autre couple. Deux fellations réelles accompagnent maintenant l'interminable fellation géante du film. Chloé ne peut détourner son regard de ce spectacle vivant. Le film est oublié. Les deux couples sont vivement encouragés par la salle. Les femmes lèchent et avalent sous les vivas. Quand leur partenaire craque, ils sont aussitôt remplacés par d'autres volontaires de la salle. Paul pousse Chloé du coude. « Vas-y toi aussi, j'ai envie de te voir à leur côté. » Chloé renacle, elle se serre contre Paul. « Et notre soirée tendre alors? Tu m'as promis une soirée ciné en amoureux. Je me sens épuisée. » Paul la rabroue d'un large sourire. « Tu m'as l'air bien réveillée et très en forme, au contraire. C'est quoi ces protestations? Je rêve. À peine ai-je scellé ton collier autour de ton joli cou que tu te rebelles déjà et oses discuter mes ordres. J'ai tous les droits, même celui de changer d'avis. Une soumise n'a pas d'horaire. Tu es mon esclave à 100%, H24, le temps de ton séjour ici. Je pensais que tu savais à quoi tu t'engageais. » À moi de veiller sur toi, ton bien-être, et de juger si tu as besoin de repos ou de dormir. Ce n'est pas le cas, il me semble. Alors en piste. Si tu es ce genre de soumise qui souhaite faire uniquement ce qu'elle veut, sans te préoccuper de me satisfaire, tu n'as rien à faire avec moi. Tant que tu es consentante, bien sûr. Tu peux utiliser ton safe word si tu veux. Tu sais bien que tu n'es forcée à rien. Chloé frémit et adopte immédiatement une attitude servile. Elle bredouille des excuses et se dirige à reculons vers l'estrade, la tête basse. Elle descend les marches de la salle le plus lentement possible. Elle sent le regard de Paul posé sur sa nuque. Elle ne peut se dérober plus longtemps. Elle se poste non loin des deux couples en action, avant d'oser lever timidement les yeux vers les rangées de sièges. Est-ce que quelqu'un va se décider à la rejoindre? Ou va-t-elle rester seule? Délaissée de tous, y compris par son maître. Paul sourit dans le noir. Il espère que le malaise et l'embarras de Chloé vont se prolonger. Ça fait partie de l'épreuve. Il est presque déçu quand un bellâtre brun se présente devant sa douce soumise, sa queue déjà levée et palpitante. Chloé s'agenouille docilement et engouffre le membre, pompant à l'unisson avec les autres filles et l'actrice à l'écran. L'actrice a d'ailleurs bien du mérite. La première femme qui s'est lancée sur l'estrade en est déjà à son troisième homme et sent ses maxillaires s'ankyloser, fatiguée de rester ouverte si longtemps et si largement. Elle a hâte de changer de position, même si c'est pour se faire sodomiser. Sa voisine s'évade dans ses fantasmes, s'imaginant devenir une actrice X se perdant dans des pratiques extrêmes. Elle se force à tenir bon, à ne pas flancher. L'actrice a dû profiter de pauses coupées au montage, car là, ça fait bien 20 minutes que ça dure, et sa bouche est presque anesthésiée à force d'être limée. Chloé se sent encore d'attaque par rapport à ses camarades d'infortune. Elle redoute plutôt la suite à venir. Pas de film X sans ses passages obligés. Fellation, puis levrette, puis sodomie, puis... c'est selon le budget, le public visé. Souvent, il y a aussi des scènes de triolisme avec des doubles pénétrations et des pratiques dont elle ne soupçonne même pas l'existence, n'ayant jamais pu tenir plus de 10 minutes devant ce genre de film. Paul, lui, ressent une émotion inconnue, oubliée plutôt, une pointe de jalousie. Inconcevable chez un maître qui se targue d'aimer offrir sa soumise à qui la veut. Il n'a pas ressenti cela lors du bal ou du brunch. Seulement de l'empathie pour Chloé, au-delà de l'excitation, et de la contrariété si elle était malmenée. Mais là, l'homme qui est venu vers Chloé est beau, trop beau, et sa soumise se montre bien enthousiaste. Il aurait presque préféré un gros lourdeau comme au bal, ou un vieux dégarni, au lieu de ce garçon jeune et musclé. Chloé prend un plaisir évident à le sucer. Paul se sent exclu. Il se retient de se lever pour chasser cette espèce de pompier et remplacer sa queue par la sienne dans la bouche de Chloé. Patience. Monsieur Muscle ne devrait pas tarder à éjaculer. Un autre lui succédera aussitôt et pas certain qu'il soit autant au goût de Chloé celui-là. En attendant, Paul doit prendre son mal en patience avant de songer à rejoindre la scène lui aussi pour se faire sucer par l'une des deux autres femmes. Paul sourit à son idée. Sa queue frémit entre ses jambes. Il descend les marches pour se mêler à la petite troupe d'hommes qui attend, espérant une fellation ou baiser selon le scénario du film. La plupart des spectateurs préfèrent rester sur leur siège. Ils se masturbent ou se font sucer par leurs voisines accommodantes. Ils s'affaissent dans leur fauteuil au point parfois de glisser entre les rangées avant de les prendre avec force râles et gémissements, sans plus prêter attention à ce qui se passe sur l'écran. Des curieux se lèvent alors, se retournent, les observent. Le spectacle se déplace. Il est ailleurs, dans la salle, sur l'estrade, partout. L'écran n'est plus qu'un élément du décor, même s'il a été le catalyseur de ce spectacle vivant. Cependant, la règle du jeu sur l'estrade reste d'imiter les acteurs. La fellation se termine par une éjaculation faciale et les hommes en action font de leur mieux pour assurer aussi bien que l'acteur qui déverse des torrents de sperme sur le visage extatique de l'actrice. À croire qu'ils sont au moins 5 à lui gicler dessus en même temps, même si un seul homme apparaît à l'écran. Sur l'estrade, la production reste très modeste et les femmes ont à peine de quoi se lécher les doigts une fois qu'elles se sont essuyées le visage de leurs mains. Seule Chloé a plus de chance. Son compagnon de jeu ferme les yeux, se concentre et extrait son sexe de sa bouche juste à temps pour se débarrasser de son préservatif et l'asperger de sa semence abondante et odorante. Elle colle terriblement. Chloé a l'impression d'en être couverte. Elle rêve déjà de retourner sous la douche. Paul se présente aussitôt à ses côtés et repousse le bel inconnu un peu trop vivement. Il félicite sa soumise, l'essuie délicatement avec un mouchoir mouillé de sa salive. Chloé rit et pleure en même temps. Ils ont à peine le temps de se reposer et de se désaltérer. Déjà l'action progresse. Un trio, deux hommes et une femme, s'affichent à l'écran. Les figurants de l'estrade s'exécutent aussitôt. Des hommes sont appelés en renfort. Chloé s'efforce de rassembler ses forces. Au moins, son maître ne fait pas mine de s'éclipser cette fois. Il reste fermement campé à ses côtés. Au grand déplaisir de Paul, le beau brun musclé tente de revenir dans la course. Comment peut-il bander à nouveau au bout de quelques minutes à peine? Tout maître qu'il est, Paul ne peut pas le rembarrer. La règle du jeu sur l'estrade prime sur ses prérogatives. Paul jette un œil sur l'écran. Une classique double pénétration. La femme est prise en sandwich, ses deux ouvertures pénétrées par un sexe d'homme. Paul se réserve la place de l'amoureux. Il s'introduit avec délice dans le sexe chaud et trempé de sa douce soumise allongée sur lui. Il offre ses jolies fesses à l'inconnu, les ouvre à son intention. L'homme n'hésite pas. Il les saisit à pleine main et les écarte au maximum. Ses doigts se faufilent déjà en leur centre. Chloé tente de se dégager, mais cela ne fait qu'aggraver les choses. Les doigts inquisiteurs s'infiltrent plus loin encore. Paul la baise avec passion, la soulevant et l'abaissant sur son sexe de ses deux mains arrimées à sa taille, amusé de contrarier les intentions de son rival en l'empêchant d'immobiliser et plaquer Chloé contre lui. L'inconnu ne se laisse pas démonter. D'une main placide, il guide son membre gainé de latex, fourrage entre les fesses pour pénétrer le petit trou bien serré, mais déjà habitué à un tel traitement de toute évidence. Encore une coquine, malgré ses airs effarouchés. La minuscule ouverture ne résiste pas. Elle s'assouplit et accueille l'intrus. Chevillée à elle, il s'accroche à ses hanches, s'agenouille confortablement et se stabilise, tâchant de caler son rythme sur celui de Paul. Chloé, ballottée entre deux, écrasée, pénétrée, a presque perdu connaissance. Elle quitte le monde réel pour rejoindre un monde de sensations pures dans lequel elle flotte aux limites de la conscience. Elle se laisse faire. Son esprit s'envole loin dans des limbes de plaisir. Soudain, l'inconnu ne résiste plus. Il jouit longuement à nouveau et s'abat sur Chloé de tout son poids, lourdement, l'étouffant pour de bon. Paul réussit à le déstabiliser d'un coup de rein. L'homme bascule sur le côté, enlaçant Chloé. Paul s'empresse de s'éloigner pour enfin l'aimer et la voir à lui seul. Peu importe la suite des aventures des héros sur le grand écran, ça lui est égal. Il l'aime avec douceur et jouit, la pressant contre lui avec une tendresse infinie, indigne d'un maître de sa trempe. Déjà, ils se font huer par des hommes qui cherchent à s'incruster, car le trio d'acteurs continue de s'activer à l'écran. Paul n'en a cure et leur adresse un doigt d'honneur. Les deux amants finissent par se relever en riant. Paul entraîne vivement Chloé vers la sortie sous les protestations joyeuses. Ils courent à perdre haleine, secoués de rire. L'expérience s'est révélée exaltante, mais Paul sait qu'il ne s'y risquera plus. Chloé espère de tout son cœur ne plus y retourner, elle aussi. C'est trop éprouvant de tenter de se hisser au niveau de star du porno. Paul n'a pas aimé pour des raisons différentes. Il veut rester le maître du jeu en toutes circonstances, décider des règles, dicter sa volonté, choisir leurs compagnons de jeu, les rejeter si besoin, sans discussion. Il n'a pas apprécié de devoir se plier à d'autres règles que les siennes, celles du scénariste. Il a dû se forcer pour supporter ce partenaire déplaisant, pour lui en tout cas. Le cinéma X est rayé de sa carte. Mais tant de lieux restent à explorer, tant de caves aussi. Bras dessus, bras dessous, il se dirige vers le bungalow de Paul. Le jeune homme garde Chloé à son bras. Il la veut dans son lit cette nuit encore. Il se réjouit de se réveiller à ses côtés et la goûter au petit matin, toute chaude de sommeil et poisseuse de la veille. Chloé sourit dans le vague, le cœur heureux de se retrouver sous la coupe d'un maître qui lui plaît tant. Elle n'en vit plus la complicité de Marion et de Sébastien. Elle a trouvé le maître de ses rêves. Les voilà comblés, tous les deux. Comment imaginer qu'il ne s'agit que d'un court répit avant le début des ennuis? Voilà, c'était donc un nouvel extrait du roman de Clarissa Rivière, Le village des soumises. Alors, comme je vous le disais, c'est un roman axé sur le BDSM, un BDSM très sexuel, puisque le BDSM a mille et une facettes. Pour preuve, parmi toutes les lectures que je vous ai faites, déjà, par exemple, je pense au roman Q écarlate, où on est vraiment dans du BDSM, et où il y a des scènes où il n'y a que de la fessée. Il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de... On peut vraiment avoir un BDSM qui va s'axer parfois que sur une relation psychologique, sur des impacts, sur un jeu de rôle, sur vraiment un jeu de soumission ou sur du bondage. Là, Clarissa Rivière s'est axée sur un BDSM très sexuel puisque, en fait, en gros, tous ces personnages se retrouvent un petit peu à baiser à tire-larigot. D'ailleurs, les personnages, il n'y a pas que Chloé et Paul. Elle a composé un roman, Clarissa Rivière, choral, pour, à travers ses différents personnages, évoquer différents archétypes qu'on peut retrouver dans le BDSM, ou en tout cas qu'elle a peut-être croisé, qui sait, puisque, je ne sais pas si vous le savez, si vous suivez les aventures de Clarissa Rivière sur les réseaux sociaux ou sur son blog, vous savez qu'elle tient un agenda des soirées BDSM, fétiche et kink sur Paris, et que c'est un univers qui lui plaît beaucoup. Pour preuve, ses derniers romans porno et érotiques qui tournent tous quand même beaucoup autour du BDSM, justement. Soumission féminine, mais aussi domination féminine, ce sont des thèmes qui l'intéressent particulièrement. C'est rigolo d'ailleurs de voir l'évolution d'une autrice. Au début où je lisais Clarissa Rivière, on n'était pas forcément du tout sur ces thématiques-là. Et au fur et à mesure, clic, clic, clic, clic, de voir comment il y a des thématiques qui se dégagent. Alors, si vous voulez vous offrir le bouquin de Clarissa Rivière, eh bien, Eh bien, évidemment, j'ai mis le lien sur l'article qui présente cette lecture. Vous aurez aussi le lien vers son blog. C'est à retrouver sur mon site charlie-liveshow.com ou charlie-tantra.fr. Les deux, ça fonctionne. Et puis, vous avez aussi le lien sur l'article qui présente cette lecture vers mon Patreon. Je vous rappelle que ce podcast est totalement autoproduit. Les maisons d'édition ne me payent pas, les auteurs non plus. Donc, si vous voulez soutenir ce podcast, si vous aimez ce que je vous lis, si ça vous donne des frissons et que vous voulez m'encourager, je vous invite à rejoindre mon Patreon, patreon.com/charlieliveshow. Sinon, le lien, vous le trouvez par mon site. Et puis, n'hésitez pas à parler de ce podcast, à le faire connaître. C'est aussi un bon moyen de le faire vivre. Hein. Alors, ça oblige à avoir une discussion qui n'est pas forcément simple. C'est-à-dire, c'est vrai que quand tu parles d'un podcast qui dit « Oh, écoute, j'ai découvert un super podcast qui explique le fonctionnement de ton cerveau. » Bon, oh, pardon, j'en ai fait bouger mon micro. C'est assez simple, ou un podcast qui parle, je sais pas moi, d'histoire, de science, de littérature, de cinéma. Là, ça parle de littérature, mais érotique. Alors, eh ben ça va vous mettre face au fou, ça va vous obliger à aborder le sujet de la littérature érotique. Après, moi, je trouve ça hyper intéressant parce que, bah, en fait, pourquoi ça serait tabou, en fait? Pourquoi on peut parler de livres d'horreur, de livres policiers, de livres de science-fiction, et pourquoi pas de livres érotiques? C'est vrai, il y a des qualités d'écriture, il y a des manières d'écrire des scènes de cul, et c'est pas le plus simple, donc pourquoi pas? Bon, voilà, et ben, à vous de voir si vous relèverez le défi. Ce podcast est terminé, donc tous les liens pour vous offrir le livre, me soutenir sur Patreon ou découvrir le site et les réseaux sociaux de l'autrice Clarissa Rivière sont sur mon site charlie-liveshow.com. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité. Encore une fois, merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent sur Patreon. Vraiment merci du fond du cœur. Et moi, je vous dis à très bientôt. J'ai commencé à lire le second roman porno de Claire von Korda. Ça promet d'être très très chaud. Ça s'appelle Obsession. C'est à venir bientôt. Des bisous. Ciao, ciao, ciao.